Human, I believe my response would be go to hell. Pizza. mélange de mots, de musique ne peut restituer ce que c'était d'être et de vivre dans ce coin du temps et de l'espace, quoi que ça ait pu vouloir dire. Il y avait de la folie dans tous les sens, à toute heure. On pouvait allumer des étincelles partout. Il y avait ce sentiment extraordinaire que, quoi qu'en fassions, c'était juste que nous étions en train de gagner. Et ça, je crois, c'était la force qui nous poussait. Cette sensation de victoire inévitable sur les forces du vieillissement et du mal. Pas au sens militaire du mot victoire. On n'en avait pas besoin. Notre énergie déborderait par-dessus tout. Nous avions un élan formidable. Nous surfions sur la crête d'une vague très haute et très belle. I'm not.